Et que se dit was? Was. Ça s'écrit W-A-S. Le W allemand se prononce comme le V français, donc was. En français, pour poser une question, on cède de mots commençant par QU. Qui, que, quoi, quand, etc. En allemand, la plupart de ces mots qui servent à poser une question commencent par un W, comme was. Was. Comment dit-on que? Was. Bien. Was. Et encore une fois, voulez-vous se dit? Wollen Sie? Bien. Wollen Sie? Et donc, que voulez-vous? Ça sera... Was wollen Sie? C'est ça. Was wollen Sie? Et que voulez-vous boire? Was wollen Sie trinken? Was wollen Sie trinken? Manger se dit Essen. Tenez d'ailleurs, Essen, c'est aussi une ville en Allemagne, où précisément on mange très bien. Alors, comment dit-on manger? Essen. Essen, oui. Essen s'écrit E-2-S-E-N. Essen. Comment dit-on voulez-vous manger? Wollen Sie essen? Bien. Wollen Sie essen? Et que voulez-vous manger? Was wollen Sie? Was wollen Sie essen? Bien. Was wollen Sie essen? Faire se dit tun. Comment dit-on faire? Tun. D'accord. Encore une fois, faire, c'est tun. Bien. Tun s'écrit T-U-N. Tun. Alors maintenant, comment diriez-vous que voulez-vous faire? Was wollen Sie tun? Was wollen Sie tun? Was wollen Sie tun? Was wollen Sie tun? C'est ça. Was wollen Sie tun? C'est que voulez-vous faire? Tout à l'heure, nous parlions de willkommen, bienvenue. À la fin du mot willkommen se cache le verbe venir. Pouvez-vous deviner comment on dit venir en allemand? Kommen. Kommen. Kommen. Oui, kommen signifie venir. Et donc, voulez-vous venir? Wollen Sie kommen? Wollen Sie kommen? Avec moi se dit mit mir. Mit s'écrit M-I-T et veut dire avec. Donc, mit mir, c'est avec moi. Mir s'écrit M-I-R, mit mir. Comment diriez-vous « voulez-vous manger avec moi ?» On mange bien à Essen. Wollen Sie essen mit mir ? Ah, mais lorsqu'il y a deux verbes en allemand, le second verbe est placé à la fin de la phrase. Même si la phrase est très longue, le second verbe vient toujours à la fin. Donc, vous devez attendre la fin de la phrase pour savoir de quoi il est question. Donc, voulez-vous manger avec moi? Mot à mot, voulez-vous avec moi manger? Se dira. Wollen Sie mit mir essen? C'est bien. Wollen Sie mit mir essen? Wollen et essen sont deux verbes. Vous voyez que lorsqu'il y a deux verbes en allemand, le second verbe est placé à la fin de la phrase, même si la phrase est très longue. Le second verbe vient toujours à la fin. Donc, vous devez attendre la fin de la phrase pour savoir de quoi il est question. Et comment diriez-vous « que voulez-vous manger avec moi ?» Was wollen Sie mit mir essen ? Was wollen Sie mit mir essen? Le deuxième verbe, essen, vient en fin de phrase.